boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Pop and Rock sur la très locale RVR, c'est ça, vous balancez un des House Martins issu de l'année 1985 et l'enchaînez sans sourciller au Let's Go de Stuck in the Sun, Made in 21st Century. Supposed to do. Ce soir, on va faire dans l'alternance, mais malheureusement, sans parler Macronie, mais juste musique. Après le 21e siècle des Stuck in the Sun, des Français très inspirés par le meilleur des Radiohead, on retourne en 1987 pour retrouver l'étrange copine de Bono, Sinéad O'Connor. L'année de l'album Splendid de Sinéad O'Connor, The Lion and the Cobra. 33 ans plus tard, l'androgyne le plus rock de la scène australienne nous offre son appel à l'aide. RVG chante Help Somebody. We'll be right back.

jamais. 203, nous restons donc en Australie, mais revenons en l'an 2009, année de sortie de Pop Crimes, de l'ex-pote de Nick Cave. Ouais, le maudit Australien Roland Hayes Howard chantait les 7 minutes de Pop Crimes. It was a pop crime.

nothing shaking my world. There ain't nothing sure in this world. There ain't nothing pure in this world. I look for something left in this world. Quand je regarde ma bibliothèque musicale, j'ai souvent l'âme nostalgique. Pourtant, le 21e siècle est beau aussi, mais bien moins prolifique. Mais en cherchant bien, on trouve quelques perles. From the dead. C'était donc les années 2020, c'est français, ça sent la relève, mais pour ça, faut assurer et faut savoir durer. Durer comme les inoxydables Noir Désir. non, je rigole. Vous avez connu ceux qui, dans un élan de poésie mal contrôlée, à 100 à l'heure sur les boulevards, sur les banquettes de Moleskine, en s'en remettant au hasard, sans plus se soucier de Lénine, vous serez à l'arrière de taxi. Tant que les heures passent, tant que les heures passent, déjà vieux règne de l'électricité partout, même sous nos peaux. La cicatrice au néon et les égouts qui débordent en pensant à Lili Brick et Vladimir Mayakovsky et ses dernières détaillées. Entre 17h et 18h au 104.7 sur RVR, au 104.6, pardon, 104.6, j'ai dit pas 104.7, vous trompez pas. Enfin bon, 104.7, y'a rien, donc de toute façon, vous nous trouverez. Allez, j'arrête. En tout cas, ce soir, vous êtes en train de subir la nostalgie de notre programmateur. Bon courage! Two tabs on your tongue. I heard the shepherds, I heard the sheep sleep. Now my only one broken sweethearts, oh, who sleep apart. Lost to find hillside spines, we must sleep out. Suppose now shush, she makes the sound she makes to calm me down. Slowly you're so thin. As I begin rubbing others out, your state worsens on my skin. And gold that is fingered to live. 1, 2, 3, 4. Suppose now shush, she makes the sound she makes to calm me down. She makes the sound she makes. I'm tired now. Oh. Si dans pop and rock on aime alterner les siècles, on adore aussi alterner les genres musicaux. Et donc après le Dissolve Me de Alt J, très 21e siècle, voici le Barbarism Begins at Home des Smiths, issu de Mitch's Murder de l'année 1985. Ouais, encore les 80s. Woo! cette fois, pour le retour dans le 21e siècle et plus précisément dans les années 2020, j'appelle un pote, Mathieu Di Mazze, avec ses Raskolnikov. 2024, année de la renaissance des potes de Albert Roche. Voilà Raskolnikov qui chante Master Freak. C'est noir, c'est froid, ouais, c'est Raskolnikov. Mais au 20e siècle, c'était les Sisters. Pas les Two Sisters, les Sisters of Mercy. Still. side of the ocean, headed for sunset. For the kingdom come. On va rester coincé au 20e siècle pour finir ce 271e Pop'n'Rock. Sur ce, bon vent à tous!